Le Tour de France par deux enfants, Devoirs et Patrie, livre audio gratuit, livre de lecture courante par Augustine Fouillé, publié sous le pseudonyme de G. Bruno. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org. Préface. Sans omettre dans cet ouvrage aucune des connaissances morales et pratiques que nos maîtres désirent trouver dans un livre de lecture courante, nous avons essayé d'en introduire une que chacun de nous considère aujourd'hui comme absolument indispensable dans nos écoles, la connaissance de la patrie. On se plaint continuellement que nos enfants ne connaissent pas assez leur pays. S'ils le connaissaient mieux, dit-on avec raison, ils l'aimeraient encore davantage et pourraient encore mieux le servir. Mais nos maîtres savent combien il est difficile de donner à l'enfant l'idée nette de la patrie, ou même simplement de son territoire et de ses ressources. La patrie ne représente pour l'écolier qu'une chose abstraite à laquelle, plus souvent qu'on ne croit, il peut rester étranger pendant une assez longue période de la vie. Pour frapper son esprit, il faudrait lui rendre la patrie visible et vivante. Dans ce but, nous avons essayé de mettre à profit l'intérêt que les enfants portent au récit des voyages, en leur racontant le voyage courageux de deux jeunes Lorrains à travers la France entière. Nous avons voulu la leur faire, pour ainsi dire, voir et toucher. Nous avons voulu leur montrer combien chacun des fils de la mère commune arrive à tirer parti des richesses de sa contrée, et comment il sait, aux endroits même où le sol est pauvre, le forcer par son industrie à produire le plus possible. En même temps, ce récit place sous les yeux de l'enfant tous les devoirs en exemple, car les jeunes héros que nous y avons mis en scène ne parcourent pas la France en simples promeneurs désintéressés. Ils ont des devoirs sérieux à remplir et des risques à courir. En les suivant le long de leur chemin, les écoliers sont initiés peu à peu à la vie pratique, en même temps qu'à la morale. Ils acquièrent des notions usuelles sur l'industrie, sur l'agriculture, sur l'hygiène, sur les principales sciences et leurs applications. Ils apprennent aussi à propos des diverses provinces les villes les plus intéressantes des grands hommes qu'elles ont vu naître. Ainsi, chaque invention faite par les hommes illustres, chaque progrès accompli grâce à eux, deviennent pour l'enfant un exemple, une sorte de morale en action d'un nouveau genre, qui prend plus d'intérêt en se mêlant à la description des lieux mêmes où les grands hommes sont nés. On remarquera que ce livre contient plus de 200 gravures, cartes ou portraits, et que ces gravures ont tout un but instructif. Si nous les avons multipliées ainsi dans une proportion que n'offre aucun autre livre de lecture courante, c'est pour rester fidèle à la méthode déjà employée par nous dans nos deux premiers volumes pour l'enfant et pour l'adolescent, méthode à laquelle nos maîtres ont fait un si favorable accueil. Sous chacune de ces gravures se trouve une notice explicative, qui est déjà l'esquisse d'une petite leçon de choses, et à laquelle le maître saura ajouter tous les développements nécessaires. Ces dessins auront l'avantage de graver dans l'esprit des enfants les objets, les contrées, les villes, les monuments, les hommes illustres dont on leur parle. En groupant ainsi toutes les connaissances morales et pratiques autour de l'idée de la France, nous avons voulu présenter aux enfants la patrie sous ses traits les plus nobles. Il a leur montré, grande par l'honneur, par le travail, par le respect religieux, du devoir et de la justice.